franceinter.fr. Aujourd'hui, Affaires Sensibles vous propose de réécouter l'histoire et les histoires de la crise financière de 2008. Le 15 septembre de cette année-là, une banque au nom inconnu de la plupart d'entre nous, Lehman Brothers, tombe en faillite. Dans sa chute, la banque américaine emporte une partie de la finance des États-Unis et de la finance mondiale. Dès le lendemain, c'est donc la planète entière qui entre dans la crise du siècle, celle des années sombres de notre monde globalisé, du règne des marchés, de la tourmente, de la dette des États et des plans de rigueur avec leur cortège de dégâts sociaux. Le 15 septembre 2008, le rideau s'est ouvert sur un monde qui nous était pour la plupart inconnu. Constitué d'outils, d'agents, de bureaux haut perchés dans les capitales de nos pays, de costumes fringants et de multiples écrans d'ordinateurs diffusant jour et nuit des courbes et des chiffres de couleurs illustrant les battements du cœur de la finance. Comment en est-on arrivé là? Quelles furent les conséquences de cette chute? Depuis cette date, des centaines de milliards ont été débloqués pour sauver telle ou telle banque, secteur, assureur ou même État. Alors, on a appris à vivre avec, à utiliser ces mots nouveaux que sont subprimes, banque centrale, notation, dégradation, titrisation, spéculation, monétarisation, autant de termes devenus, à tort ou à raison, anxiogènes. 8 ans après, en sommes-nous sortis? Où sommes-nous à la veille d'un nouveau krach? Quelles sont ces épées de Damoclès au-dessus de nos têtes? Pourquoi le journal Libération, par exemple, titrait-il le 30 septembre dernier « La Deutsche Bank peut entraîner un cataclysme économique et financier mondial ». Pour en parler après le récit, nous recevrons en seconde partie le journaliste de Libération, justement Luc Peillon, en charge des questions économiques et sociales pour ce quotidien, notre partenaire une fois tous les 15 jours. Affaires Sensibles, une émission de France Inter en partenariat avec l'INA et avec le journal Libération, préparée par Jean Bulot avec l'appui des documentalistes de Radio France. Attaché de production Emmanuel Fournier, programmation musicale Muriel Pérez, coordination Christophe Barrère, réalisation Fabrice Lègle, à la technique aujourd'hui Antoine Gomez. Fabrice Drouel, Affaires Sensibles, sur France Inter. Après une catastrophe, on se souvient du jour où tout est arrivé, mais pas forcément des années qui ont précédé l'événement. Au début des années 80, derrière les murs centenaires de nos bourses, des hommes nouveaux, les jeunes loups de la finance, révolutionnent l'espace et le temps. Le capitalisme industriel laisse sa place aux actionnaires, aux opérations à haut risque, inconscientes et suicidaires. Au début de cette histoire, il y a un homme à la mode, une sorte de gourou du capitalisme triomphant. Cet homme, c'est Milton Friedman, prix Nobel d'économie en 1976. Sa théorie, celle dite de l'école de Chicago, se résume en 2 points. Réduire l'État à la portion congrue et donner une liberté totale au marché, seul moyen de réguler l'économie, selon l'économiste américain. Entendez par là, le marché a toujours raison. D'ailleurs, le 20 janvier 1981, lors de son investiture, Ronald Reagan résume en une phrase la pensée de son gourou économique. In this present crisis, government is not the solution to our problem. Government is the problem. Traduction, l'État n'est pas la solution à notre problème, l'État est notre problème. Et pendant 2 mandats, aussi viscéralement libéral qu'anticommuniste, 2 obsessions chez lui, Reagan réduit les taux d'imposition des Américains, baisse les subventions fédérales aux gouvernements locaux, divise de moitié le budget pour les logements sociaux et supprime une partie des programmes d'aide aux logements des plus démunis. À Wall Street, c'est la Mecque de la finance, une nouvelle classe voit le jour, les Golden Boys. Costumes à fines rayures, chemises chic, belles voitures et appartements de luxe. Pour ces nouveaux princes de la bourse, le job se résume à gagner beaucoup d'argent le plus vite possible. Obsession, là encore, accumulation. Sur le vieux continent également, cette tendance l'emporte. En 1979, les Anglais choisissent Margaret Thatcher, une synthèse. Avec elle, c'est Friedman et la matraque. Pendant 11 ans, la dame de fer et du laisser-faire pour les marchés privatise les grandes entreprises du pays, déclare la guerre aux syndicats, baisse les impôts directs, lance une politique de dérégulation financière et restructure l'économie réelle au bulldozer, jetant à la rue des milliers d'ouvriers désespérés. Les inégalités entre les plus riches et les plus modestes augmentent et l'État et ses services maigrissent à vue d'œil comme un corps malade. Alors aux mêmes causes, les mêmes syndromes, à Londres comme à New York, c'est la City qui s'envole vers des indices encore jamais atteints. Pendant 40 ans, le marché est roi. Dans de nombreux pays, les candidats libéraux remportent les élections les unes après les autres. La révolution conservatrice et libérale triomphe. L'économie globale s'impose dans le monde entier. Pourtant, la vie de la finance n'est pas un long fleuve tranquille. Des crises très violentes, aussi vite oubliées, ont déjà explosé à plusieurs reprises. En 1987, les caisses d'épargne américaines font faillite. À la fin des années 90, c'est la bulle Internet qui éclate. Les années 2000, elles, sont les années de la bulle immobilière, déclencheur de la crise du siècle, dont la saison 1 portera le titre étrange de Subprime. En 2004, aux États-Unis, le président George Bush se félicite de la forte augmentation de propriétaires américains, à ceci près que le rêve se finance par des prêts à taux variables de plus en plus élevés et surtout de plus en plus variables. Chez nous aussi, certains veulent une France de propriétaires. Nicolas Sarkozy en tête, qui fait du sujet l'un des credos de sa campagne pour la présidentielle de 2007. Je propose que l'on fasse de la France un pays de propriétaires. Parce que lorsqu'on a accédé à la propriété, on respecte son immeuble, son quartier, son environnement et donc les autres. Parce que lorsque l'on a accédé à la propriété, on est moins vulnérable aux accidents de la vie. Voyez-vous, les grands clivages se dessinent. Moi, je veux une France où chacun, y compris quand il a un petit salaire, puisse réaliser le rêve d'accéder à la propriété de son logement. Eux, ils veulent que chacun puisse accéder un jour à un HLM dégradé. Chacun son ambition. Nous, nous voulons une France où la propriété devient un rêve accessible pour tous. Au même moment, de l'autre côté de l'Atlantique, la maison, symbole de protection et de la famille, tourne au drame pour des millions d'Américains qui se retrouvent du jour au lendemain expulsés de leur logement parce qu'ils ne peuvent plus payer leur traite. Le cocon devient cauchemar. C'est la première pierre d'un éboulement qui va emporter l'ensemble de la finance mondiale. Subprime, un vrai terme économique, incompréhensible, inquiétant. Car derrière ce nom se cachent des crédits immobiliers à haut risque, sorte de solution miracle pour les exclus du système de prêt classique. Sur le papier, le dispositif est assez simple. Des courtiers payés à la commission proposent des crédits financés par un mécanisme complexe, la titrisation. C'est une sorte de transformation de votre dette en titres financiers qu'on achète et revend sur les marchés. Les prêts à risque de ces Américains modestes se retrouvent ainsi partagés par des millions de personnes dans le monde entier. Bon, tant que le marché de l'immobilier est en hausse, la partie est jouable. Votre bien gagne en valeur et, en cas de problème, vous avez la possibilité de revendre ce bien pour rembourser vos prêts. Mais en cas de retournement du marché, si l'immobilier baisse, la complexité du système vous endette jusqu'au cou. Et précisément, en 2006, le prix de l'immobilier chute aux États-Unis. Des millions d'Américains ne peuvent plus payer leurs prêts. Les maisons sont alors saisies et les propriétaires expropriés. À côté des classiques drapeaux étoilés ornant le perron des maisons aux États-Unis, on voit apparaître les pancartes de vente. Et une autre face du capitalisme américain se dessine, celle des exclus, des travailleurs modestes pris dans le tourbillon du crédit. Des quartiers entiers perdent leurs habitants et des campements de tentes voient le jour en plein cœur des villes. Les propriétaires ne sont pas les seules victimes de la crise immobilière. L'ensemble de la chaîne est touchée. Les agences de prêt mettent la clé sous la porte, les banques annoncent leurs pertes aux États-Unis comme ailleurs. Le marché des capitaux est mondial, global, les bénéfices comme les échecs se partagent, tout est connecté. Et c'est pendant l'été 2007 qu'on apprend qu'une drôle de crise s'abat sur les États-Unis. Le 26 juillet, après la faillite de deux fonds spéculatifs de la banque américaine Bear Stearns, les bourses mondiales chutent, première alerte. Mais il y a une solution classique, les banques centrales interviennent pour injecter des liquidités sur les marchés. En France, Christine Lagarde, ministre de l'économie et des finances, rentre de vacances. Elle organise à la hâte une conférence de presse pour rassurer les Français. Et la ministre se met en mode « rien de grave, dormez tranquille ». Par rapport à d'autres pays, le secteur bancaire et assurantiel est solide. La commission bancaire nous le confirme et sans aucun doute moins exposé à des risques de type subprime américain que les banques américaines, tout simplement parce que en France, nous ne connaissons pas ce type de marché. Aujourd'hui, l'économie française repose sur des fondamentaux qui sont solides. Je ne conçois pas aujourd'hui, en tout cas, de contamination à l'économie réelle. Tout va bien donc, l'économie française ne devrait pas être contaminée par les crédits nocifs venant des États-Unis. Pourtant, le 9 août, la BNP suspend l'activité de 3 de ses fonds d'investissement engagés dans le marché de subprime. On commence alors à comprendre qu'on nous refait avec cette crise le coup du nuage de Tchernobyl qui s'était arrêté à la frontière. On se souvient tous de cette sinistre fable. Chez les initiés, en revanche, on sait bien que toutes les banques, de New York à Francfort, de Paris à Londres, ont investi dans ces prêts toxiques et dans leurs dérivés. Et certaines d'entre elles comprennent qu'elles tiennent elles-mêmes la pelle qui sert à creuser leur tombe. Chaque État s'organise alors pour stabiliser la situation et limiter l'impact de la crise. C'est aux États-Unis que les mesures les plus importantes sont prises. Le 18 janvier 2008, le président George Bush annonce un plan de relance de plus de 140 milliards de dollars. Ce plan de relance doit être suffisamment important pour faire la différence dans une économie qui a la taille et la vitalité de la nôtre. Ce qui signifie qu'il doit représenter environ un point de produit intérieur brut. Ce plan de relance doit être fondé sur des allègements fiscaux qui affecteront directement la croissance économique. Le plan doit être temporaire et prendre effet immédiatement afin que nous aidions notre économie maintenant qu'elle en a besoin. Enfin, ce plan ne doit comprendre aucune augmentation d'impôts et il doit spécifiquement soutenir à la fois l'investissement des entreprises et la consommation des ménages. 140 milliards astronomiques. Même si l'Amérique est la première économie du monde, la somme reste impressionnante. Et pourtant, les marchés demandent plus, toujours plus. La preuve, la bourse continue de baisser. La crise des subprimes s'est mutée en crise financière. Elle ne s'arrête pas. De nombreuses banques sont à la limite de la rupture. Alors l'État, celui-là même qu'on aimait tant critiquer, est appelé au secours des banques. Après un premier sauvetage de la banque d'investissement Bear Stearns par le trésor américain Henry Paulson, le ministre des Finances de George Bush annonce le 7 septembre 2008 la nationalisation de deux agences de crédit, Fannie Mae et Freddie Mac. Fannie Mae et Freddie Mac sont si grosses et tellement impliquées dans notre système financier que la faillite, ne serait-ce que d'une d'entre elles, aurait des conséquences incalculables sur les marchés financiers. Henry Paulson, l'ancien président de Goldman Sachs, accepte de nationaliser ces deux agences qui regroupent alors près de 50% des crédits immobiliers aux États-Unis. Mais derrière cette première annonce se cache un autre dossier, un autre dilemme qui questionne chaque jour le secrétaire au Trésor de la Maison-Blanche, c'est le dossier Lehman Brothers. Le 7 septembre 2008, la cinquième banque d'affaires des États-Unis, l'une des plus importantes réussites de Wall Street, est au bord de la rupture. Elle annonce la plus importante perte de son histoire, près de 4 milliards de dollars au troisième semestre. Quelques jours plus tard, le 13 septembre, on annonce, sur France Inter, sa possible faillite. Aux États-Unis, c'est la vénérable banque Lehman Brothers qui n'est pas très sûre de passer le week-end. Dernière victime en date de la crise des subprimes, l'institution risque en effet d'être dépecée. Parmi les acheteurs potentiels des différentes activités, on avance les noms de la Britannique Barclays et de la Française BNP Paribas. En une semaine, l'action Lehman Brothers a perdu les trois quarts de sa valeur. Depuis la veille, le 12 septembre, on sait grâce à la déclaration d'une source anonyme du Trésor à l'agence Reuters qu'il n'y aura pas d'argent public pour résoudre le problème Lehman Brothers. Tous s'attendent donc au pire. En fin d'après-midi, Henry Paulson, le secrétaire du Trésor, et Tim Geithner, patron de la Banque fédérale de New York, invitent les grands banquiers de Wall Street à un rendez-vous qui a tout de la réunion de crise. Toutes les figures de la haute finance américaine sont présentes, dont Lloyd Blankfein de Goldman Sachs et Jamie Dimon de JP Morgan. Ils attendent tous un geste de Paulson. Mais la réponse du ministre américain des Finances est claire, c'est non. Il refuse de venir en aide à Lehman Brothers, comme il a pu le faire pour la banque d'investissement Bear Stearns au printemps précédent. La balle est désormais dans le camp des banquiers. Ils ont quelques jours pour trouver une solution à la faillite de Lehman Brothers. Alors, pendant trois jours, les négociations ont lieu avec des possibles repreneurs, dont Barclays Capital, une banque d'investissement britannique. Mais le 14 septembre, Alistair Darling, ministre des Finances britannique, refuse d'avancer une garantie pour une banque américaine. À 18h, aucune proposition de reprise de Lehman n'est sur la table. À 0h57, heure de New York, les documents sont déposés devant un juge, Lehman Brothers est en faillite. Ce jour-là, Fabienne Sintès est à Times Square devant le siège de la banque pour France Inter. Elle témoigne de l'atmosphère. Et bien, c'est une drôle d'ambiance qui règne devant le siège de cette banque. On voit entrer et sortir des hommes en cravate et bras de chemise qui, devant la forêt de micros et des caméras qui les attendent, font plutôt bonne figure, pour les rares en tout cas, qui acceptent de raconter comment ça se passe à l'intérieur. Ambiance plutôt morose, difficile. Mais les gens travaillent, comme ils l'ont d'ailleurs fait tout le week-end. Ça nous tombe dessus, on n'a pas vu une telle catastrophe venir, disait un jeune salarié de Lehman tout à l'heure. D'autres encore affirment l'avoir vu ce matin, que se confirmait ce qui était déjà prévisible depuis plusieurs jours. Chacun en tout cas parle anonymement. On voit entrer des gens avec des grands sacs vides. On en voit d'autres sortir avec des cartons dans les bras ou des gros sacs plastiques. L'avenir reste la grande inconnue ici. Vous savez que Lehman Brothers donc, ne sera pas rattrapé par le col, par le gouvernement. Ça, c'est une certitude. Une tradeuse qui travaille ici depuis 5 ans disait tout à l'heure que personne des dirigeants de la banque n'avait encore parlé aux salariés encore. Elle disait surtout que devant la situation à Wall Street, les places de traders, elles se font rares, de plus en plus rares même. Les bourses plongent les unes après les autres. Nous sommes le 15 septembre 2008. Le monde entre dans l'inconnu. C'est la crise, saison 2. That's great, it starts with an earthquake. Birds and snakes and aeroplane. Lenny Bruce is not afraid. I have a hurricane, listen to yourself. Churn world, serve its own needs. Dummy, serve your own needs. Feed it up an ox, speak, grunt, no strength. Done, ladder, start to clatter with fear, bite down. High choir and a fire representing seven games. In a government for hire and a combat site. Left to us are coming in a hurry with the furies breathing down your neck. Team, my team, reporters, babble, Trump, tethered crop. Look at that. And burn, return, listen to yourself churn. Locking in, uniform and book burning, blood letting, every motive escalate, automotive centering. Light a candle, light a motor, step down, step down. Watch your heel crush, crush, uh-oh. This means no fear, cavalier, renegade, steer clear. Turn them in, a tournament, a tournament of lies. Offer me solutions, offer me alternatives, and I decline. It's the end of the world as we know it. It's the end of the world. Divide mountains, sit in a line. Leonard Bernstein, Leonid Brezhnev, Lenny Bruce and Lester Banks. Birthday party, cheesecake, jelly bean, boom. Symbiotic, patriotic, slam, button neck. Sensible sur France Inter aujourd'hui, la crise financière de 2008. Depuis la chute de Lehman Brothers, c'est l'emballement. Non, le marché roi ne s'auto-régule pas. Maintenant, on le sait. Mais à quel prix? En trois jours à Wall Street, 3600 milliards de dollars de capitalisation boursière s'évaporent. Le 16 septembre, le Trésor américain vient au secours de l'assureur AIG et avance 85 milliards de dollars. Trois jours plus tard, George Bush annonce sur le perron de la Maison-Blanche un plan d'aide record de 700 milliards de dollars. Une somme cinq fois plus importante que celle du mois de janvier. Le risque systémique était très important et nécessitait une réponse à cette hauteur. Le Congrès le comprend, nous travaillons pour que quelque chose soit fait aussi vite et aussi massivement que possible. À problème massif, réponse massive. Je continue à dire à nos concitoyens que le risque de ne rien faire est bien plus important que le risque que constitue cette somme. L'argent reviendra, mais là, maintenant, le gouvernement se devait d'envoyer un signal disant que nous comprenions que l'instabilité pouvait devenir dévastatrice et à terme affecter les travailleurs, les familles, nous laisserons passer cette. L'argent reviendra. Le président George Bush pense peut-être qu'il ne s'agit que d'une crise momentanée, comme le capitalisme en connaît chaque décennie. Son père déjà était venu à la rescousse des caisses d'épargne à la fin des années 80. L'argent, ensuite, était revenu. Mais pendant l'automne 2008, malgré les perfusions, il s'évapore chaque minute un peu plus vite. C'est un tonneau des Danaïdes. En Europe aussi, on signe des chèques en blanc pour les banques. Le 10 octobre, Londres nationalise partiellement plusieurs d'entre elles. Le 30 septembre, les gouvernements belges, français, luxembourgeois injectent 6 milliards et 400 millions d'euros dans le capital du bancassureur Dexia. Quelques jours plus tard, le gouvernement de François Fillon débloque près de 360 milliards d'euros pour les banques, histoire de donner de l'oxygène au marché. Le jeudi 15 octobre, c'est la rechute à Wall Street, la plus forte baisse depuis 1929. Un jeudi noir, un autre. Désormais, la finance est le sujet numéro un dans la presse. Chaque télé, chaque radio embauche son économiste pour élaborer les différents scénarios, récolter les confidences de Wall Street et les plans de secours de nos ministres. Derrière ces indices qui chutent, peu à peu les visages des victimes se dessinent sur nos écrans, comme ceux de 330 000 Islandais. En octobre 2008, leur pays est en quasi-faillite. Pourtant, il est riche, comme tous les pays de Scandinavie. Le problème pour les Islandais, c'est qu'ils vivent à crédit, que leurs banques sont démesurées par rapport à la richesse du pays. C'est ainsi qu'ils apprennent que la dette des banques représente 12 fois le PNB de l'Islande. Le gouvernement libéral nationalise deux établissements de crédit, puis augmente les taxes et les produits de première nécessité. À bout de liquidité, le Premier ministre Geir Hard demande de l'aide. Nous avons multiplié les contacts avec beaucoup de pays amis ces derniers temps. Pas seulement les gouvernements, mais aussi les institutions. Avec ces cours qui s'effondrent, la souveraineté des peuples et des nations qui est attaquée. Le 24 octobre 2008, l'Islande obtient du FMI un prêt de 2 milliards de dollars et les Russes promettent un prêt de 4 milliards. Dans le tumulte de la crise, les cartes géopolitiques sont redistribuées. La crise financière touche essentiellement le cœur du système, donc les pays développés. Les autres sont en partie épargnés, pour une fois. Les grandes puissances sont fragilisées, dont l'Europe qui, depuis l'adoption d'une monnaie commune, doit réagir collectivement face à la crise. Nous entrons alors dans la crise de la dette, la crise, saison 3. Après la tempête vient donc le temps des résolutions et du plus jamais ça. Le 15 novembre 2008, les 20 plus grandes puissances du monde se retrouvent à Washington afin de mettre en place des objectifs communs face à cette crise. À la sortie de la réunion, chacun se félicite des avancées, comme Nicolas Sarkozy. Bretton Woods, il a fallu 2 ans. Bon, on réforme pas le FMI comme cela. Mais je vous dis, stratégie claire, relance, régulation financière, refus du protectionnisme, réforme de la gouvernance mondiale. Les ministres des Finances ont des instructions, rendent des comptes. Voilà. Donc ça, c'est clair, simple et précis. 6 mois plus tard, en avril 2009, à Londres, rien n'est encore vraiment clair, simple et précis, comme l'indiquait le président français. Peu d'avancées concrètes, juste des promesses sur une réorganisation du système monétaire international. On espérait un nouveau monde de la finance. Disons que c'est pas tout à fait ça. Le 15 mai 2009, la France entre en récession et le chômage est proche de la barre des 10%. L'Europe devient l'homme malade du monde occidental. Elle l'est encore. C'est la crise de l'euro, la crise, saison 4. Et c'est en Grèce que s'abat le krach de la dette, donc celui de la rigueur et de la perte de souveraineté. Le 16 octobre 2009, 5 jours après sa victoire aux législatives, Georges Papandréou, président du PASOK et de l'International Socialiste, annonce des déficits records pour son pays. On apprendra par la suite que Goldman Sachs, la banque la plus puissante du monde, a aidé la Grèce à maquiller ses comptes tout en spéculant sur son dos. C'est alors que les agences de notation reviennent en jeu et qu'on redécouvre leur existence, les fameux Fitch, Moody's, Standard & Poor's. Au début de la crise des subprimes, ce sont elles qui étaient en charge de la note des paquets de crédit titrisés des ménages américains. À l'époque, rien n'était à signaler, tout allait pour le mieux. Les hommes politiques, les éditorialistes étaient choqués du rôle de ces agences de notation, de leur manque de transparence. 3 ans plus tard, elles font toujours la pluie et le beau temps sur les marchés. Pendant ce temps, au-dessus d'Athènes, le temps est à l'orage. Dans les journaux, on peut lire que les marchés sont inquiets de la situation grecque, que le marché doit être rassuré, qu'il faut des preuves de confiance pour le marché encore et encore. Le 10 décembre 2009, la note grecque est dégradée. B, B, B, ce qu'on fait de plus mauvais, ou presque. Le Premier ministre Georges Papandréou annonce des premières mesures pour diminuer le déficit. Le 3 février 2010, un nouveau plan d'économie est présenté. Gavés de potions amères jusqu'à la nausée, les Grecs se cabrent. Des manifestations éclatent dans tout le pays, comme en témoigne ce reportage de France Inter. Ces Grecs, Athènes ici, Des chants révolutionnaires sous la pluie et pas de débordement. Spiros Papaspiros, le leader d'Adedi, principal syndicat de fonctionnaires, a promis de ne pas en rester là. Nous sommes au rendez-vous pour répondre à cette vague d'attaques contre les salariés, les retraités, du public et du privé. Et ensemble, nous appelons à une nouvelle grève le 24 février. Parmi les mesures annoncées hier par le gouvernement, une baisse de 10% des primes des fonctionnaires, une hausse des taxes sur l'essence et des impôts, surtout pour les plus aisés. Sujet sensible aussi, le recul de 2 ans de l'âge de la retraite. « Nous ne voulons pas payer pour la crise », proclame une banderole. Maria Eleni est bien d'accord. Nous, là, comme tu nous vois, on a travaillé pendant 50 ans. On touche une retraite qui nous permet juste de survivre. Et ils veulent nous la prendre. Que ceux qui ont pris l'argent le rendent. Nous, on a donné pendant 50 ans. Les syndicats annoncent près de 80% de participation à la grève. Des écoles et des universités sont fermées. Les avions, les trains, les bateaux qui relient le continent aux îles grecques arrêtés. Le gouvernement doit aussi affronter la colère des agriculteurs qui bloquaient ce matin encore des autoroutes avec leurs tracteurs. Mais il n'a pas l'intention de céder. Athènes, Éric Gérard, Sarah Guibaudot, France Inter. La rue ne désemplit pas, mais désormais le pouvoir n'est plus seulement entre les mains des députés, il se trouve ailleurs, dans les couloirs du Parlement, des commissions et des sommets européens. Pendant le printemps 2010, Georges Papandréou fait la tournée des capitales européennes pour obtenir de leurs dirigeants du temps et du soutien afin de mettre en place sa politique de réduction des déficits publics. Le 23 avril 2010, Georges Papandréou intervient en direct à la télévision. Le cadre est mûrement choisi. Il apparaît sur le quai d'un petit port de l'île paradisiaque de Castelorizzo. Des pêcheurs remontent leur filet en arrière-plan. Le ciel est bleu, l'eau turquoise. Tout le contraire de l'annonce, sombre, crépusculaire. C'est une nécessité nationale et urgente de demander officiellement à nos partenaires européens l'activation du mécanisme de soutien que nous avons créé ensemble. Papandréou en appelle à l'Europe et au FMI, l'image fait le tour du monde. Papandréou fait le dos rond, mais pouvait-il faire autrement? Se mettre en défaut? Sortir de l'euro? Le 3 mai, un accord entre la zone euro et le FMI est signé. Il accorde une aide à la Grèce contre un plan d'austérité drastique, le 4e en 6 mois. Le 1er mai, une mission d'experts de la Commission européenne, de la BCE et du FMI est à Athènes pour négocier le prix de la survie. D'autres pays en Europe suivront, au sud surtout. Entre 2010 et 2013, plus de 40 plans de rigueur ont été annoncés dans 17 pays de la zone euro. C'est ainsi que la crise de l'immobilier a généré la crise de la finance, qui à son tour a provoqué la crise de la dette, puis de l'euro, puis de l'Europe, carton plein, fin de série. Alors aux États-Unis, comme sur le vieux continent, on jure de refonder le capitalisme. On affirme que cette crise serait la dernière, que plus jamais la finance ne guiderait nos pas. C'est ce que disait Nicolas Sarkozy le 19 septembre 2008, au lendemain de la chute de Lehman Brothers. La crise actuelle doit nous inciter à refonder le capitalisme. Il nous faut trouver un nouvel équilibre entre l'État et le marché, alors que partout dans le monde, les pouvoirs publics sont obligés d'intervenir pour sauver le système bancaire de l'effondrement. L'autorégulation, pour régler tous les problèmes, c'est fini. Le laisser-faire, c'est fini. Le marché tout-puissant qui a toujours raison, c'est fini. 4 ans plus tard, c'est François Hollande qui ajoute son couplet en pleine campagne présidentielle au Bourget, où il confie: dans cette bataille qui s'engage, je vais vous dire qui est mon adversaire, mon véritable adversaire. Il n'a pas de nom, pas de visage, pas de parti. Il ne présentera jamais sa candidature. Il ne sera donc pas élu. Et pourtant, il gouverne. Cet adversaire, c'est le monde de la finance. Cet adversaire, il gouverne encore. Pour combien de temps ? des êtres humains à paradis plutôt. Comme les têtes de bétail, tout troupeau. Copie, on est dans l'abattoir comme mieux. On envoie paître, boire et brûler là où la bête, baby, est plus facile à traire. Oh si, petit agneau qui était encore ta mère. Méfie-toi du bord des eaux troubles. Où l'on peut voir flotter les narines et l'œil opaque. Pac. Des crocodiles à quatre pattes. Pac. Qui te guettent pour te happer. Et tes croquettes crues brillantes nailles dans les mâchoires de crocodile. Crocodile. Bien, crocodile. Et de consensus, les engraisseurs de porc qui nous sucent le cortex. On est de plus en plus enchaînés au rouage. Et la machine qui s'emballe nous entraîne en spirale vers les bas, vers les cas. Oh, aussi, grâce à l'antilope, charmant facochère. Et toi, des violents coups de queue du caïman à lunettes. Le plus racaille, le plus retard. Des crocodiles. Affaires sensibles, Fabrice Drouel. Aujourd'hui, la crise financière de 2008. Notre invité, Luc Payon, bonjour. Bonjour. Je le rappelle aux auditeurs, vous êtes journaliste à Libération, le journal Libération, notre partenaire, et vous êtes en charge des questions économiques et sociales. L'enjeu de cet entretien, ce sera de faire le point, 8 ans après, sur les promesses tenues au lendemain de la crise, ainsi que sur les conséquences sociales qu'a engendré cette crise en France et en Europe. Alors je note la déclaration de Nicolas Sarkozy que nous avons diffusée il y a 5 minutes, quand il dit qu'il faut rééquilibrer les pouvoirs des États et de la finance, quand il dit le marché qui a toujours raison, c'est fini, lui qui pourtant a toujours adhéré à cette idée d'économie libérale. Alors peut-être qu'un malheur est bon, au moins pour une petite partie. Est-ce que cette crise nous a fait redécouvrir le rôle essentiel que doivent jouer les États dans la bonne marche du monde, dans la bonne marche économique du monde, puisque c'était quand même une valeur très démonétisée, l'État? Alors, et les États, le retour des États, c'est surtout illustré dans le sauvetage des banques, tout d'abord, et du système financier en général, par l'injection, vous l'avez rappelé, de plusieurs centaines de milliards de dollars ou d'euros, suivant les endroits. Quant à son rôle de régulateur, quand on reprend les promesses faites par François Hollande en 2012 avec mon adversaire, c'est la finance, elles se sont finalement résumées au niveau français à une réforme bancaire qui était en fait assez limitée, donc on voulait isoler un peu la spéculation au compte propre des banques du reste de leur activité de dépôt. Et finalement, la loi a été réduite à peau de chagrin. On avait comme promesse l'alignement de la fiscalité du capital sur celle du travail. Pareil, dans un premier temps, il y a eu une réforme assez ambitieuse pour aligner effectivement cette fiscalité. On se souvient qu'il y a eu le mouvement des pigeons et on est ressorti finalement une réforme assez, là encore, réduite. Est-ce que ça veut dire que la finance, finalement, enfin, la sphère financière, a pris le pouvoir? Est-ce qu'on peut le résumer comme ça? Ben là, c'est surtout qu'elle l'a jamais perdu. Il faut juste un petit pas en arrière. La crise de 2008, c'est une crise financière, c'est une crise de la dérégulation, mais c'est aussi une crise politique. C'est-à-dire que c'est pour répondre aussi à la stagnation du revenu des classes moyennes et des classes pauvres aux États-Unis qu'ont été aussi créés les subprimes et les crédits à risque. C'est-à-dire que c'est pour toucher une population qui n'arrivait plus à vivre et à maintenir son niveau de consommation avec ses revenus. Donc c'est la dérégulation financière, mais aussi l'écart des revenus aux États-Unis qui est à l'origine de la crise de subprime. Ensuite sont venus se greffer ces produits hautement toxiques et élaborés. Mais voilà, il faut repenser que c'est un choix politique des années 80, mais qui s'est poursuivi aussi dans les années 2000, et avec ce décrochage social dans les revenus, cette augmentation des inégalités. Donc il y a une co-responsabilité de la sphère politique, de la sphère financière et économique, et des banques. Est-ce que les banques, c'est une question simple, on l'a beaucoup dit, est-ce que les banques sont responsables de cette crise? Ou victimes, ou les deux? Ben les deux, c'est-à-dire que elles en sont responsables, victimes, puis finalement, alors les banques c'est un peu réducteur, la finance, parce qu'il n'y a pas que les banques, oui, les assureurs aussi. Il y a les hedge funds, il y a le shadow banking, c'est quand même plus large que les simples établissements bancaires qu'on pignon sur rue. Mais ils ont été à la fois cause de la crise, victimes temporaires avant d'être sauvées, puis maintenant vainqueurs, du moins dans l'esprit qui les guide et qui veut qu'il y ait le moins de règles possible. Et c'est effectivement, alors même que le libéralisme des règles de régulation a prouvé son échec, ce libéralisme économique d'une manière générale a finalement gagné aujourd'hui, puisque c'est la politique qui domine, même au sein de l'actuelle majorité, pourtant étiquetée socialiste. Donc ils sont à la fois fauteurs de la crise, mais finalement vainqueurs post-crise, dans les idées et dans ce qui s'impose comme une solution. C'est peut-être ça qui est inquiétant, parce que les banques jouent sur du velours, sachant que avec des banques en difficulté ou des banques en faillite, il n'y a plus d'investissement possible, à la fois pour les entreprises, pour les particuliers. Donc on n'a pas le choix, quoi que fassent les banques. De toute façon, les États viendront toujours à leur secours, sinon c'est l'économie qui s'écroule. C'est too big to fail. Effectivement, plus on a une part importante dans l'économie et dans le financement de l'économie, parce que la finance, ce n'est pas uniquement néfaste. Bien sûr. Sinon, je pense qu'on y aurait mis fin. C'est ce qui permet effectivement d'allouer les ressources, de financer les entreprises. Effectivement, le poids qu'elles ont dans l'économie fait qu'il est difficile de ne pas les renflouer. Alors après, il y a eu une petite évolution quand même, notamment depuis Chypre, depuis la crise de Chypre, où avant on faisait du buy-out, où on sollicitait les contribuables, hein, l'État, les contribuables. Maintenant, on commence, faut voir comment ça va se passer à l'avenir, à solliciter les créanciers des banques et les déposants. Voilà, donc les plus gros déposants. Donc il y a un petit changement de méthode et donc de gens qui sont ciblés pour sauver ces banques, mais il faudra voir si le buy-in à terme va l'emporter sur le buy-out. Alors on va se rafraîchir un peu la mémoire, la crise financière qui s'est accompagnée très vite d'une crise économique et sociale. En France, quel secteur avait été les premiers touchés? Alors un peu tous, c'est vrai qu'on a le souvenir de l'automobile, mais d'une manière générale, le chômage, parce que la crise de l'industrie, elle avait commencé quand même bien avant la crise de 2008, la crise de l'emploi industriel et de la part de l'industrie dans le PIB, mais d'une manière globale, on a quasiment doublé le nombre de chômeurs par rapport à avant 2008. On a en catégorie A, à Pôle emploi, 1,5 million de chômeurs de plus qu'à l'époque, qu'en 2008, où il y en avait 2 millions. Donc ça veut dire conséquence directe la crise, les licenciements boursiers, diminution de l'intérim, plan de licenciement pour tous les motifs possibles et imaginables. Une récession de quasiment 3%, 3 points de PIB en 2009. Donc forcément, ça a des conséquences directes sur l'économie et sur l'emploi. Ce qu'il faut noter quand même, c'est que on avait retrouvé dès 2011, puisqu'en 2009, on fait moins 3% de croissance. 2010-2011, on remonte tout de suite à 2% de croissance. Et en 2011, finalement, on avait quasiment retrouvé notre niveau, on avait retrouvé notre niveau de production d'avant la crise. Et qu'est-ce qui s'est passé? L'été 2011, la croissance s'arrête. D'un coup, quasiment, à l'été 2011. Et en fait, c'est le début des plans d'austérité. En France, mais aussi en Europe, qui ont cassé cette croissance-là. Donc, on en était presque sorti en 2011, et on se souvient que le chômage, d'ailleurs, commençait à baisser, accompagnant la reprise de l'activité. Et en fait, à l'été 2011, tout s'est arrêté. 8 ans après, quels sont les stigmates de cette crise? Alors, je prends en compte effectivement qu'on avait retrouvé la croissance, qu'on la perd pendant l'été 2011. Aujourd'hui, on court toujours après la croissance. On est toujours dans les stigmates de 2008. Là, aujourd'hui, en termes, par exemple, de croissance. Oui, mais parce que, c'est comme vous l'avez dit, c'est la saison 4-5. C'est-à-dire, c'est des dominos qui s'enchaînent. Et qu'est-ce qui s'est passé en 2011? Pourquoi on fait de l'austérité en France, mais aussi dans l'ensemble des pays européens? C'est pas par plaisir, c'est parce qu'on est sous la menace des marchés financiers. Ces mêmes marchés financiers que, pour aller vite, j'utilise ce terme, qu'on avait sauvé en les renflouant, ont finalement mordu la main de leur sauveur. Mmh. Et une fois que les États s'étaient endettés pour les sauver, les marchés financiers ont dit, mais attention, vous êtes trop endettés, là ça va pas, il va falloir réduire la voilure, sans quoi on va augmenter les taux d'intérêt des emprunts. C'est bien eux qui gouvernent, alors c'est bien la finance qui gouverne. C'est ce que vous dites là. De fait, oui, j'ai jamais dit le contraire. Non, c'est vrai, mais je voulais que ce soit précisé. Est-ce que cette crise a tout de même modifié le rapport des Américains et des autorités américaines, à la fois financières, économiques et politiques? Est-ce que ça a changé leur rapport à la finance? Est-ce qu'on est passé à un post-Reaganisme qui consisterait à dire oui, l'État n'est pas toujours le problème, le marché n'a pas toujours raison? Et est-ce qu'il y a des exemples qui prouveraient ça aux États-Unis? Alors, je suis pas un spécialiste de la régulation américaine, mais j'ai pas eu le sentiment qu'il y avait une régulation excessive qui soit imposée après la crise. Il y a eu quelques procès, mais qui concernent essentiellement, qui sont soldés par le paiement d'amendes. Goldman Sachs a payé 5 milliards. Aujourd'hui, on a la Deutsche Bank qui est menacée de 14 milliards. Je pense que dans l'esprit des gens, mais peut-être qu'on y reviendra avec le mouvement Occupy Wall Street. On y va justement. On y va. Ouais. Je pense qu'effectivement, il y a un regard qui change un peu par rapport à la finance. Absolument. Les Américains ont été particulièrement... Alors nous, on a été impactés par la crise économique globale. Eux l'ont été aussi, et complètement directement, j'ai envie de dire, par la question immobilière et le fait qu'un bon nombre d'entre eux ont été expulsés de leur maison, alors même qu'ils avaient payé une partie des traites. Ça refroidit. Ils l'ont vécu vraiment concrètement. Il y a la question aussi de la dette étudiante, on arrive à une situation, à une nouvelle bulle, je crois que c'est à peu près 1300 milliards de dollars, plus de la moitié du PIB français, qui est une vraie menace, avec des gens qui arrivent à la retraite aux États-Unis et qui n'ont pas fini de payer leur prêt étudiant, qui se monte à 200, 300 000 dollars en début de carrière. Alors, vous l'avez dit, vous avez bien raison, comme dans tout basculement, la crise de 2008 a été source de résistance et même de créativité citoyenne, puisque en novembre 2011, donc 3 ans après la chute de Lehman Brothers, des centaines de personnes ont bloqué le pont, plusieurs fois le pont de Brooklyn, le fameux pont de Brooklyn, pour protester contre le système financier, et c'est ainsi que débute ce mouvement Occupy Wall Street. Je vous propose d'écouter un extrait d'un reportage de notre correspondante aux États-Unis à l'époque, Fabienne Sintès. Cette journée de manifestation, Occupy Wall Street, si la voulez symbolique, a plus d'un titre. Parce que le mouvement fêtait ses 2 mois, parce que Zuccotti Park a été vidé par la police. Alors direction ce parc désormais vide, les manifestants repoussent les barrières, la police les remet, avant qu'une partie du groupe n'aille rejoindre les 2000 étudiants réunis à Union Square. L'occupation, à ce stade, c'est un acte, retrouver notre voix, donc pas une série de tentes dans un parc. Nous rassembler, élever la voix, dans les assemblées publiques, dans les réunions d'école, dans les conférences de presse, tous ces endroits où on attend de nous qu'on s'assoie et qu'on se taise. Le soir, dernière étape, Occupy Wall Street a reçu le soutien dont il avait besoin pour faire nombre, les syndicats. 10 000 personnes finissent par traverser triomphalement le pont de Brooklyn. On gagne parce qu'on a changé le thème de la conversation. Les gens maintenant parlent de taxer les riches, d'impôts équitables, de mettre fin au règne des grandes entreprises. En changeant la conversation, on changera bientôt les politiques. L'un des slogans disait « c'est le début du début », l'idée que le combat des 99% ne fait que commencer. même si désormais il est sans domicile fixe. À New York, Fabienne Sintès, France Inter. Alors quel est votre regard sur la suite de ces mouvements-là aux États-Unis ? Puis on en parlera aussi pour ce qui concerne la France. Est-ce qu'il y a comme ça un mouvement pérenne, citoyen, ou est-ce qu'il s'est essoufflé, ou est-ce qu'à un moment donné les gens se disent « bon ben, on a essayé de changer le système, on n'y arrive pas ?» Alors je crois que dans les faits, le mouvement évidemment n'existe plus, il n'y a plus d'occupation à Wall Street. Je pense qu'on l'a retrouvé dans la campagne présidentielle avec Bernie Sanders, et l'engouement qu'il a su provoquer. Il a réussi d'ailleurs à imposer un certain nombre de campagnes à Hillary Clinton, comme notamment le relèvement du SMIC. Voilà, je pense que pour l'instant, on est comme dans toute période électorale, les gens sont un peu dans l'attentisme. Après, je ne sais pas ce que ça va donner aux États-Unis, mais clairement, je pense que 2008 a laissé des traces dans l'image que la finance peut renvoyer aux Américains. Et concernant la France, alors on peut parler notamment du mouvement Nuit Debout, la finance et la régulation étaient des thèmes abordés. C'était fort ce mouvement, il est fort ce mouvement en France ? Alors, de façon... Pas forcément Nuit Debout, mais tout ce qu'il y a autour. Hein. Sur un plan numérique, ça a été à peu près un millier de personnes, entre 500 et un millier de personnes, quand même pendant 2-3 mois sur la place de la République, même dans des conditions météorologiques détestables. Les gens étaient quand même assez motivés. Je pense que Nuit Debout, qui est un mouvement très hétéroclite, hein, qui regroupait beaucoup de militants, de gens lambda, illustrait... je pense que les gens ne parlaient pas tant des gouvernements, du gouvernement, de la politique au sens gouvernemental, que, pour employer un mot qu'on a pu connaître dans les années 70, d'une forme d'autogestion. C'est-à-dire que, moi, pour être allé quand même un petit peu sur la place de la République, écouter ce qui s'y disait, il n'y avait pas de critique sur le monde politique. Je pense que les gens se plaçaient à côté de la sphère politique, à côté de ce qu'on pouvait faire au niveau gouvernemental, était plus sur... Pas une amertume, mais une déception par rapport à ce qu'on pouvait faire au niveau politique, et que les gens finalement s'en détachaient et se disaient « c'est pas grave, nous on va s'organiser entre nous, avec des circuits courts, avec une autre économie collaborative ». Voilà, c'était on se détache de la sphère politique et du gouvernement. Sur le constat qu'il y avait une sorte de déni de démocratie, finalement, puisque si la finance décide pour le monde entier, en tout cas pour une bonne part, on passe par-dessus la sphère politique et donc le vote. Je pense, oui, ils ont d'ailleurs... La crise est un déni de démocratie, et la conclusion qu'ils en tirent, c'est on ne critique pas... On n'est pas dans la haine ou dans le rejet comme peuvent être les mouvements d'extrême droite, mais on est dans l'auto-organisation, dans le pas de côté et dans on s'organise nous-mêmes. Voilà, mais il n'y avait pas de haine ni contre la droite ni contre la gauche. C'était plutôt on est au-dessus de ça, on est au-delà de ça et on passe à autre chose. On change de paradigme. Voilà. Revenons, si vous voulez bien, au plan plus pratique sur les réformes et les mesures prises concernant la situation financière des banques d'aujourd'hui. Je dis ça parce qu'en septembre dernier, c'est la Deutsche Bank qui a inquiété la place boursière, comme ça dont l'indique grande banque allemande. Alors, est-ce qu'il y a un risque de Lehman bis? C'est l'une des questions qui a été posée à Jean-Claude Trichet, ancien président de la Banque Centrale, le 2 octobre dernier, lors de l'émission politique de France Inter, animée par Nicolas Demorand et Arnaud Leparmentier. On va écouter la réponse de M. Trichet. Quand Angela Merkel dit que, en cas de problème avec Deutsche Bank, il n'y aura pas de sauvetage de la banque par le contribuable, est-ce que vous pensez que c'est une décision de saine politique, voire de saine morale ? C'est sûrement une décision qui correspond à ce que le consensus mondial du G20 a été au moment où nous avons formidablement renforcé les règles de prudence. L'idée était, le système va être maintenant tellement sûr et solide que nous n'aurons plus à mobiliser le risque du contribuable sur telle ou telle banque individuelle. En 2008, lorsqu'il a fallu sauver Hypo Real Estate, deuxième banque allemande, la chancelière était prête à faire un Lehman européen, prêt à la laisser faire faillite. Est-ce que vous êtes certain que la chancelière ne laissera pas tomber la Deutsche Bank? Elle n'était pas du tout prête à le faire. La preuve, c'est qu'elle ne l'a pas fait. Et j'ai eu moi-même des demi-heures et des demi-heures de discussion avec le gouvernement allemand pour leur dire c'est systémique, c'était très grave. La décision qu'ils ont prise était une décision lucide. Accessoirement, d'ailleurs, la Banque Centrale Européenne est intervenue avec une vigueur extrême, puisque nous avons racheté du trésor grec, du trésor irlandais, du trésor portugais, et que nous avons ému énormément beaucoup d'opinions publiques européennes à ce moment-là. Donc, jamais nous ne sommes restés à la Banque Centrale Européenne immobile devant un risque systémique. Le Payon, alors pourquoi la Libération a titré la Deutsche Bank peut entraîner un cataclysme économique et financier mondial? C'est quoi cette nouvelle épée de Damoclès là? On a l'impression qu'on a les unes après les autres au-dessus de nos têtes. Non, parce que la Deutsche Bank a un bilan qui doit représenter à peu près 1500 milliards d'euros, donc c'est à peu de choses près l'équivalent du PIB français. Donc effectivement, s'il y a une faillite de la Deutsche Bank, ça entraîne des conséquences financières catastrophiques. Après, je ne sais pas si on en est encore là. L'épée de Damoclès, c'est 14 milliards d'amendes réclamées par la justice américaine du fait de son rôle, du rôle de la Deutsche Bank lors des subprimes. Ça va se négocier. Je pense qu'ils vont retomber sur 5-6 milliards. Voilà, donc pour l'instant, on n'en est pas là. Mais effectivement, du fait de la taille de son bilan, elle est potentiellement, c'est potentiellement une bombe à retardement pour l'économie européenne et donc mondiale. L'Allemagne avait déjà des problèmes avec ses banques régionales. Là, elle en a maintenant avec la Deutsche Bank. Ça en dit long d'ailleurs sur le fait que le système financier européen n'est pas complètement assaini. Justement, quels sont les garde-fous qui ont été mis en place par les autorités internationales et aussi par l'Union européenne, alors pour éviter au-delà de la Deutsche Bank une nouvelle crise type 2008? Alors, il y a eu un certain nombre de règles qui ont été imposées, dont l'exigence d'un taux de fonds propres par rapport à leur bilan. On a demandé à ce que les banques aient un capital beaucoup plus important par rapport à leur exposition. Il y a eu un mécanisme européen de surveillance et des banques et un mécanisme de sauvetage. D'ailleurs, quand j'entends Trichet se poser la question de savoir si l'Allemagne ou pas les sauver à Deutsche Bank, je crois qu'il y a avant peut-être le mécanisme européen de sauvetage à solliciter. Donc il sera comme il l'a fait par exemple pour les banques espagnoles. Donc ce ne sera peut-être pas forcément le contribuable allemand qui va payer, mais là pour le coup le contribuable européen, même si il faut modérer ça, puisque ce mécanisme de sauvetage est aussi constitué de prêts des États européens. C'est un peu technique, mais bon. Alors, le deuxième étage de la fusée, de la question, c'est, je vous demande pas de me dire si on va avoir une nouvelle crise comme celle de 2008 demain ou je ne sais pas quand, mais est-ce qu'on peut en avoir une? Est-ce que le danger est toujours là? C'est ça, en fait. Le problème, c'est qu'il y a tout un pan de la finance qu'on ne connaît pas aujourd'hui, ce qu'on appelle le shadow banking. Ou la banque de l'ombre. La banque de l'ombre qui échappe un peu au radar et sur lesquels on a du mal à voir vraiment ce qui se passe. On sait qu'il y a, on l'a dit, la question de la bulle des prêts étudiants aux États-Unis, il y a la question des collectivités locales en Chine, il y a la reconstitution de bulles du fait de la politique accommodante de la Banque Centrale Européenne. Politique accommodante, ça veut dire politique pour aller vite de création monétaire, et avec donc des liquidités en pagaille qui font qu'il y a des bulles qui se sont reconstituées, oui. Il y a des lumières rouges qui s'allument, mais c'est pas encore l'explosion. Pas encore. Ouais, c'est bien comme ça. Merci beaucoup, Luc Payon. Je rappelle que vous êtes journaliste à Libération, notre partenaire, une fois tous les 15 jours, et c'était donc aujourd'hui. Merci, au revoir. Merci. C'était Affaires Sensibles aujourd'hui, la crise financière de 2008, une émission que vous pouvez réécouter en podcast sur franceinter.fr. Demain, nous évoquerons l'affaire des paillotes en Corse quand les gendarmes se font pyromanes.